cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فماذا أخذنا في درسنا الأخير c'est qui nous rappelle certains points qu'on a vus dans le درس précédent. تفضل. الشروط على الصائم. نعم شروط الصيام. تفضل. الإسلام القادية والقدرة والإقامة طهارة أما الحائض فلا تصوم ولا النفساء زد البالغ أحسنت فمن كان مسلما قادرا مقيما بالغا عاقلا فيجب عليه الصوم وأخذنا مسألة وهي أنه إذا رجع من السفر في وسط النهار أو طهرت المرأة أو شفي المريض فهل يمسك بقية اليوم أم لا celui qui a un عذر qui a une excuse comme la maladie مثلاً, ou il est en voyage فتقدم معنا أنه لا يجب عليه الصيام il n'est pas obligé de faire الصيام لكن si cette excuse في وسط النهار elle y est plus مثلاً, il est revenu de voyage à 11h du matin مثلاً. هل يمسك أم لا لا يمسك لماذا لأن هذه العبادة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. Et هو il avait une excuse au début de la journée. Donc il est excusé pour toute la journée. Qui c'est qui se rappelle de la règle que Cheikh Ibn Uthaymin il a cité ou il a écrit la règle عندما تفضل نعم نعم فمن كان معذور في بداية النهار فهو معذور إلى غروب الشمس celui qui a une excuse au début de la journée cette excuse elle est valable pour toute la journée فلا يصوم أو فلا يمسك نعم هذا القول الصحيح أما إذا قامت البينة كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله بدخول الشهر في أثناء النهار si il se rend compte au cours de la journée que le mois de Ramadan il a débuté فهل يمسك Cheikh Al-Fawzan حفظه الله il a cité cette mas'ala avec les autres فبعض العلماء يقولون أن c'est la même chose donc ceux qui disent al-imsak سيقولون بالإمساك et ceux qui disent بعدم الإمساك سيقولون بعدم الإمساك on peut comprendre هكذا لكن on avait fait une précision ماذا قلنا تفضل نعم يمسك لماذا tu différencies entre cette mas'ala et les autres alors que les autres قلنا بعدم الإمساك زد لأنه هو نسي فقط ما كان له عذر أي نعم أحسنت نعم فهو من أهل الوجوب il était concerné par l'obligation لكن il est في حكم celui qui a oublié مثلا si quelqu'un oublie et il mange في رمضان quand il se rappelle il arrête et il continue صيام ويل صحيح فهذا cette partie de la journée il ne savait pas فإلي في حكم الناس il est معذور لكن quand il se rappelle ou dans notre cas quand il est informé que ce صيام فيصوم à partir du moment où il est informé jusqu'au مغرب est-ce qu'il rattrape أم لا c'est une autre مسألة بعض العلماء قالوا يغطرب pas et بعض العلماء قالوا يغطرب لماذا لأن il a pas eu la niya depuis le début et الصيام c'est une عبادة من الفجر إلى الغروب et هو il a manqué une partie لكن الذي يظهر أنه il est معذور لأن il savait pas et il a fait son obligation à partir du moment où il savait On a trouvé un qawl de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, fi risalatihi an-nafi'a, ba'd al-as'ila fi as-siyam, 48 questions fi as-siyam. Qala rahimahullah, idha 'alima an-nas bi dukhul ash-shahr Ramadan fi athna'i al-ayyam, fi athna'i al-ayyam, ay si al-muslimun ils se rendent compte que Ramadan il a commencé lakin après al-fajr. Et ça arrive hala. Ça arrive, on a une bayina, مثلاً, shahid adl, il informe une personne, il a vu al-hilal. Ça arrivait à l'époque, mais de nos jours, ça arrive beaucoup moins. L'i'lam, il est wasi', c'est propagé dans les médias, dans les réseaux, il a akhiré. Alhamdulillah, de nos jours, dès qu'un pays commence, en général, tout le monde le sait. Dès que quelqu'un a vu l'hilal, ça se propage très vite. Fahi hadal hal. قال يجب عليهم الامساك هذا سي واضح pourquoi لانه في نهار رمضان اي الله سبحانه وتعالى اوجب على الجميع bien sûr avec les شروط qu'on a vu من قبل الامساك ففي هذا الحال الامساك il est واجب c'est clair لماذا لانه il est في رمضان il avait une excuse il savait pas maintenant qu'il sait yassoum contrairement aux autres cas qu'on a vu il avait un udr مثلا il est en voyage et il avait pas niyat de faire siyam s'il est revenu c'est différent. Il n'était pas concerné par l'obligation au début de la ibada et après le fajr. Mais il est concerné. C'est ça le farq. قال شيخ ابن عثيمين لأنه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان فوجب إمساكه. Si ce musulman il s'est rendu compte أنه le mois de Ramadan il a commencé et on avait donné l'exemple celui qui travaille la nuit il a dormi ثم il s'est réveillé et il a su. À partir du moment où il sait يمسك عن جميع المفطرات. Pourquoi? Parce qu'on est fait Ramadan. قال ولكن هل يلزمهم القضاء أي قضاء هذا اليوم. C'est une autre question. Est-ce que ce musulman il doit rattraper ce jour? لماذا لأن il l'a pas jeûné complètement et à partir du fajr s'il a commencé à 11h du matin فربما il a mangé il a bu le matin est-ce qu'il rattrape à cause de cette partie manquée? قال في هذا خلاف بين أهل العلم فجمهور العلماء يرون أنه يلزمهم القضاء. نعم. جمهور العلماء, la plupart des savants, ils sont d'avis أنه يغطرب. لماذا؟ لأنه il a pas fait الصيام toute la journée. Ce قول il est clair. لأنهم لم ينووا الصيام من أول اليوم بل مضى عليهم جزء من اليوم بلا نية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هذا العمل il a besoin d'une نية au départ. أي avant le fajr. أما هؤلاء ils ont mis la نية après. لأنهم ils ont pas su. فالقول الأول أنه يلزم القضاء. قال وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمهم القضاء لأنهم كانوا مفطرين عن جهل والجاهل معذور بجهله. L'autre avis أنهم ils ont pas besoin de rattraper. لماذا لأنهم ils étaient ignorants. ففي هذا الحال ils sont excusés et l'obligation elle commence à partir du moment où ils ont su. Et la niyal commence à partir de ce moment. قال ولكن القضاء أحوط وأبرى للذمة. Comme on a dit dans le dars précédent. أن rattraper ce jour c'est أحوط. أي pour sortir du khilaf. لأن القول الأول il est قوي كذلك. أن النية il faut au départ de la journée ils ont manqué une partie. Même s'ils sont excusés ils n'ont pas d'ithm. لأن القول الأول ils vont dire non ils sont excusés ils n'ont pas d'ithm. لأن ils n'ont pas mangé volontairement. لكن il manque une partie il faut la rattraper. فالذي يظهر سك القول الثاني الصحيح لكن كما قال شيخ ابن عثيمين شيخ ابن عثيمين إلى شوازي ستعبي قال وأبرأ للذمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك استدلال طيب دوك شيخ ابن عثيمين إلى دافي أنه on rattrape pas لكن pour sortir du خلاف والأحوط أي le plus sûr c'est de le rattraper. ففي الحقيقة c'est 15 jours. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين فما هو إلا يوم واحد وهو يسير لا مشقة فيه وفيه راحة للنفس وطمأنينة للقلب. أولا c'est 15 jours. C'est très simple à rattraper. Il n'y a pas de مشقة, il n'y a pas de difficulté. كذلك فيه راحة للنفس وطمأنينة للقلب. Que ça va apaiser ton cœur. Et tu vas sortir de ces doutes. Est-ce que j'ai manqué ce jour? Est-ce qu'il est valide amla? Avec ce siyam, inshallah ta'ala, tu sors du khilaf et des doutes. Falhamdulillah, hadha al-qawl, il est tayyib de cet imam Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. C'était pour compléter الكلام qu'on avait vu ensemble dans le dars précédent. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى باب في بدء صيام اليوم ونهايته. On a oublié de vous faire réciter. Rappelez-moi, on a ansa. Man, qui c'est qui veut réciter l'ahadith? قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية عن عائشة رضي الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهل ثم يغتسل ويصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أحسنت. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى باب في بدء صيام اليوم ونهايته. هذا سما باب مهم. أي le début de la journée. أي من حيث الصيام الصوم. Quand est-ce qu'on commence le jeûne et la fin. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. في هذه الآية Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a démontré un siyam, ça commence à partir du fajr. Il a ghurub al-shams, au début de la nuit, ay, le coucher du soleil. قال الإمام ابن كثير رحمه الله, هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع نعم قال ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليها الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. Ça c'était au départ. أنهم ils avaient le droit de manger, boire, etc. jusqu'au عشاء. أو si واحد dort même avant العشاء et il se réveille, s'il s'est réveillé, il n'a plus le droit de manger jusqu'à la prochaine nuit. Aïe, après le maghrib du jour suivant. Qala, fawajadu min dhalik mashaqqatan kabira. Il y avait une difficulté. Lianna si wahad, il était fatigué. Matalan tasawwur anta. Après le maghrib, il rentre. Rubama il va boire, rubama il va manger qalilan. Et s'il se repose, il s'endort, il se réveille, c'est fini, il ne peut plus manger. Même s'il se réveille 3h, 4h avant le fajr, il doit attendre la nuit elle finit, thumma le fajr, thumma toute la journée, et après le maghrib, il a le droit de remanger et boire. فنزلت هذه الآية ففرحوا فرحا شديدا. Et ça c'est من الحكم والفوائد من النسخ. الناسخ والمنسوخ إلى فوائد عظيمة ومنها هذه أن الله سبحانه وتعالى لا لج أن حكم سبحانه وتعالى فيفرح المؤمنون حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي ليل شاء الصائم. Avec ce verset, Allah سبحانه وتعالى il a autorisé aux musulmans de manger et boire jusqu'au fajr. Même après salat al-isha, même s'il dort et il se réveille, المهم t'as le droit de manger jusqu'à cette limite. طلوع الفجر الصادق الأذان الثاني. S'il est bien sûr في الوقت إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. Donc c'est ça الضابط. C'est cette limite que chaque musulman doit respecter في الصيام من طلوع الفجر الصادق jusqu'à غروب الشمس فالمسلم bien sûr avec les conditions qu'on a vues précédemment il n'a pas le droit de manger boire الى اخره قال شيخ الفوزان فتبين من الايه الكريمه تحديد الصوم اليومي بدايه ونهايه فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته الى غروب الشمس وهذا واضح قال حفظه الله وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور قال وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور بركة وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة ولو بجرعة ماء ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر هذا سبب important باب السحور قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله هنا شرح طيب على عمدة الأحكام il est مختصر طبع في مجلد il est très simple il explique chaque hadith بكلام سهل ميسر il l'a appelé رحمه الله إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام فقال في بعد هذا الحديث حديث أنس تسحروا فإن في السحور بركة السحور بفتح السين ما يتسحر به وبضمها الفعل السحور فبالفتح c'est ما يتسحر به c'est le repas lui-même ce que tu vas manger السحور بفتح السين وبالضم السحور c'est الفعل c'est l'action Il y a une différence. C'est comme At-Tahour ou At-Tahour ou At-Taqaddam Ma'ana. Fastafadna min hada anna qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam tasaharu fa inna fi s-sahouri baraka fa iyadu la baraka fi hada al-akl ou al-shurb et fi al-fi'l. Le fait de faire, de manger, de boire à ce moment, iyadu la baraka. Wal-imam ibn al-Mulaqin rahmatullah alayhi kadhalik il a un sharh tayyib bel c'est أنفع وأحسن الشروح على عمدة الأحكام لكن إلى توسع فيه ils l'ont imprimé en une dizaine de volumes الإعلام بفوائد عمدة الأحكام c'est un شرح طيب قال فيه وحاصل البركة في السحور يتنوع أنواعا il a cité رحمة الله عليه باختصار en résumé البركة qu'il y a dans le سحور قال أولا اتباع السنة والاقتداء أول بركة السحور la première بركة qu'il y a dans le سحور c'est le fait de suivre le Nabi صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة donc suivre le Nabi صلى الله عليه وسلم فيه بركة عظيمة ça, ça nous montre يا إخوان أن هذا الفعل c'est une عبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا C'est une ibadah, enfin, on doit avoir une niya tayyiba wa ihtisabun. Et c'est une ni'ma min ni'am illahi azza wa jal. Si tu as dormi, tu te réveilles, tu manges, tu bois, et tu es récompensé. C'est récompensé pourquoi ? Parce que tu manges et tu bois, li anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Et nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tasihharu. Hada min barakat, hada as-sahur. Thaniyan, mukhalafatu ahli al-kitab, fi ziyada fi al-akl ala al-iftar. Li anna ahli al-kitab, Les gens du livre, les Yahoud, ils jeûnaient et ils ne prenaient pas As-Sahour. C'est une différence entre notre jeûne et le jeûne de Ahl al-Kitab. As-Sahour. فَلِهَذَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَصْلٌ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السحور رواه مسلم. La différence entre notre siyam et celui des gens du livre, c'est as-sahur. Les annahum, ils mangent pas et on mange pas, ils boivent pas, on boit pas, wa hakada. Lakin, la différence, c'est as-sahur. Thalithan, la troisième baraka qu'il a cité, at-taqawwi bih, wa an-nashat li as-sawm, siyama as-sibyan. Et na'am, surtout, pour les enfants, s'ils font as-siyam, ils ont besoin de hada wa taqaddam ma'ana anna as-sabi s'il n'a pas atteint al-bulugh la puberté fala yajib alayh lakin si c'est pour l'entraîner c'est 15 jours fa il prend aklatu as-sahur ça va l'aider fa at-taqawwi bih ça va t'aider li anna khassatan fi as-sayf la journée elle peut être longue et celui qui prend sahur il boit, il mange, ben, inshallah, ça sera très simple. Hada c'est mujarrab. Annavihi baraka. Celui qui mange à sahour avant le fajr, c'est mujarrab. Annahu as-siyam, c'est très simple. Walaw fi as-sayf. Qala khamisuha. Cinquième baraka. At-tasabbub li dhikrillah wa ad-du'a. Fa innahu waqtu al-ijabah. وللرحمة نعم التسبب لذكر الله والدعاء وللرحمة فإنه وقت وقت الإجابة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا في آخر ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له الحديث إلي في الصحيح هذا الوقت وقت السحور c'est un وقت فيه بركة من حيث أن الله سبحانه وتعالى يغيبون à celui qui lui demande فتأكل وتشرب والموفق أنه سي السحور مثلا إلي باب خير فيدعو الله يدعو الذكر يفي دي زنفوكاسيون وكانت يمانج كذلك كذلك أبخي طنك الأذان إلا با كومانسي هذا الوقت فيه نفع وبركة تي مانج إتي في دي دعاء إتي ريكمبنسي الله سبحانه وتعالى إليكزوس تن دعاء أو تي دعاء سادسها سيزيمون التسبب في حسن الخلق فإنه إذا جاع ربما ساء خلقه نعم ça permet d'avoir un bon comportement toute la journée لأن من طبيعة الإنسان أنه si la faim ربما يpatiente moins et ربما son comportement il se détériore فبالسحور بإذن الله عز وجل يتقوى به كما تقدم et repousse هذا سابعا تجديد نية تجديد نية الصوم فيخرج من الخلاف من خلاف من أوجب تحديد تجديدها إذا نام ثم تنبه إن شاء الله في غصة مسألة بقي الحكم est-ce que c'est obligatoire أم لا أجمع أهل العلم أن السحور c'est مستحب c'est pas obligatoire ça c'est l'unanimité des savants ذكر الإجماع الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه في الإشراف وابن قدامة رحمه الله في المغني إلى السيتي أنه لا يعلم بين أهل العلم خلافا في هذا donc l'unanimité des savants أن السحور c'est recommandé c'est pas obligatoire لكن أيها المسلم لا تفوت على نفسك الأجر والبركة c'est pour ça qu'on a cité la parole de cet imam ibn al-Mulaqqin رحمه الله toutes ces فوائد et ces récompenses الحقيقة c'est des récompenses simples pour celui à qui Allah y facilite tu te lèves tu profites pour ton siyam et tu profites inshallah pour l'akhira comme min dua et comme min ajr tout le mois celui qui se lève au sahur pendant tout le mois comme min ajr et comme min dua il va faire alhamdulillah al muslim il en profite amma al hukm fa c'est pas obligatoire faman sama et il s'est pas réveillé pour le sahur fala chacun dans son siyam il est accepté. Le sahur, manger avant, ce n'est pas obligatoire. Amma le waqt, qala Cheikh Fawzan, wa yustahab ta'khiruhu ila waqtin fijar al-fajr. Aïe, anna l'afdal, c'est de retarder le sahur. Aïe, ne pas le prendre au début de la nuit ou au milieu de la nuit. Al-afdal, c'est avant le fajr. Ou l'ikhwan, qu'ils ont récité عمدة الأحكام ils ont récité الحديث حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة تسحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ils ont mangé avec le prophète صلى الله عليه وسلم avant le fajr quand ils ont fini قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ça montre que entre le sahur et le salat il y avait peu de temps Ça montre que le retarder, c'est mieux. Les ananabis, sallallahu alayhi wa sallam, il le retardait. Qala Anas, qultu li Zayd, radiyallahu anhuma, kam kana bayna al-adhan wa sahur. Anas, radiyallahu anhu, il a demandé à Zayd, combien de temps il y avait entre al-adhan et leur sahur, la fin du sahur. Qala, radiyallahu anhu, qadru 50 ayah. À peu près le temps de réciter 50 versets. Et réciter 50 versets, c'est très rapide. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et ce lafd, c'est lafd al-Bukhari. Qala al-Imam ibn Daqiq al-Aid rahimahullah fihi dalilun ala istihbab ta'khir as-sahur wa taqribuhu min al-fajr. C'est ça le dalil. Al-afdal, c'est de retarder al-sahur et manger avant la salat. Donc, on a le droit de manger jusqu'à tolou' al-fajr al-sadiq. Jusqu'à l'adhan, bien sûr, comme on a déjà expliqué, si le mot adhan, il fait l'adhan à l'heure. كذلك تقدم معنا الدليل من القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Donc ça c'est un دليل من القرآن. On a le droit de manger jusqu'à طلوع الفجر. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل لأن À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux adhan pour le fajr. Le premier adhan, c'est Bilal qui le faisait, radiyallahu an. Thumma le deuxième adhan. Fa nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yamna' ahadukum. Na'am, la yamna'anna ahadukum adhan Bilal min sahur. Quand vous entendez l'adhan de Bilal, ça ne doit pas vous empêcher de prendre le sahur. Limadha li anna Bilal, il faisait l'adhan, il faisait encore nuit. Et comme aujourd'hui, walillahi alhamd, le premier adhan du fajr, il fait encore nuit. Ce n'est pas l'heure de la salat. C'est pour se préparer. ثم le deuxième adhan, عند طلوع الفجر الصادق. هذا الحال, on n'a plus le droit de manger. Ça montre la limite. وكذلك, d'autres hadiths, لكن نكتفي بهذا. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه, il a fait un tambih. قال من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر. Et ça, en fait, ça s'est répandu dans beaucoup de pays. Annahum, ils font al-adhan avant l'heure. Surtout, fait Ramadan. Limadha, pour al-ihtiyat. Et en fait, on n'a pas besoin de hada al-ihtiyat. Limadha, li'anna al-wahi min rabbil alamin, azza wa jal. Et Allah, c'est le hakim, c'est le khabir. Il nous a autorisé de manger jusqu'au fajr. الصادق أي الدوزيام أذان سيلة فعله. donc on n'a pas besoin d'un ihtiyat. فهؤلاء الجهال ils ont pensé أن الاحتياط c'est comme une sécurité. مثلا si on dit que الفجر الصادق demain matin il a 5 heures pile, on a le droit de manger jusqu'à 5 heures. فهم ils ont mis un ihtiyat, une sécurité, أي ils font l'adhan à 5 heures moins quart. حتى personne dépasse la limite. Et en fait, c'est une mukhalafa l'idin illahi azza wa jal, et ça va impliquer d'autres mukhalafat. Awulan, c'est un tadiq, c'est une difficulté pour un musulman, alors qu'il a le droit de manger jusqu'à 5 heures. L'imam va l'empêcher. Faroubama l'un, ba'd al-muslimin, il se lève, peut-être à 5 heures moins quart, et il entend les dhan, et il pense qu'il n'a plus le droit de manger, alors qu'il a faim et qu'il a soif. Lakin, celui qui a l'ilm, ça ne l'empêche pas de manger et boire. Même si tu entends cet adhan, même si c'est le deuxième, il y a jour où là que tu manges. Khassatan, dans certains pays, ils font l'adhan une demi-heure avant, rubbama. Bel, hatta dans les calendriers, vous avez déjà vu, ils ont rajouté al-imsak. Alors que l'imsak, c'est le fajr, al-thani. On n'a pas besoin de rajouter hada. Lakin, al-bid'a. Cette bid'a, c'est quoi la cause? C'est al-istihsan. Et ils ont pensé que c'était bien. Oula, ils ont fait ça parce qu'ils aiment le dîner. Ils ne veulent pas que les gens ils mangent pendant Ramadan. Ils ont rajouté ça. Lakin kama akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kullu bid'atin dhalal. قال الحافظ من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. نعم, ça peut être 20 minutes, un quart d'heure, بعضهم une demi-heure, بعضهم أكثر. قال وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة التحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما من من أحدثه أنه للإحتياط في العبادة. زعموا, ils ont prétendu à eux que c'était من باب الإحتياط. هؤلاء ils vont dire نعم, on sait que الفجر c'est à 5 heures, لكن الإحتياط, هذا الإحتياط c'est une بدعة. لماذا؟ لأن الدين الكامل. Est-ce que Allah سبحانه وتعالى il a négligé هذا وهم ils ont précisé pour que les gens ne dépassent pas les limites. Na'oudou billah. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas informé, il a oublié hada l'ihtiyat? C'est très très grave le bid'a. C'est du din. Din il est complet. Jusqu'au fajr, on a le droit jusqu'au fajr. Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi qal, wa muraduhum fi hada al-ihtiyat. Al-ihtiyat. C'est une sécurité pour ne pas dépasser. Walakin ghalatu fi dhalik wa shara'u ma lam ya'zam bihi Allah. Al-ihtiyat. اتباع أفعاله صلى الله عليه وسلم وشرائعه. أما أهل العلم, les savants, les imams de la sunnah, comme ils répondent à هذا, أن الاحتياط, la sécurité, c'est de suivre النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ça, Inch'Allah, qui va te mettre en sécurité fi dunya wal akhirah. فَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ce qui te fera dépasser les limites, ne plus être en sécurité, c'est ne pas suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit dans cette masala ou autre. لكن الجهل. Tu trouves بعض هؤلاء ربما ils s'accrochent à cette chose alors que c'est une bid'a. مثلاً, si tu manges à 5h moins 10, alors que le fajr c'est à 5h, il te reste 10 minutes. Lakin hum, ils ont mis leur imsak un quart d'heure avant. Fa ka annaka takhalif un asl, un rukn min arkan al-islam. Et tu les trouves fi ba'd al-umur, dans des choses claires, des ma'asi, ils les font normalement. Et si tu les conseilles, ils te disent Allah ghafur rahim, sahl, il faut pas être trop dur. Alors que hum, ils inventent des choses la asl laha. C'est quoi al-sabab ya ikhwat? Al-jahl. Ça nous montre un adin Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas de place pour la bonne intention. Faqat, la bonne intention, c'est muhim. Lakin avec l'ilm. Ils ont une bonne intention et ils ont inventé ces choses. La bonne intention avec l'ilm et en revenant à l'ilm. On a cité la parole de l'Hafid ibn Hajar, de l'imam al-Sa'di rahmatullah alayhi, ou à kathir min ahl al-ilm. Kathir min ahl al-ilm, il cite cette mas'ala. Ala kulli hal, al-sahur, c'est le fait de manger avant le fajr, l'afdal, c'est de le retarder, et on a le droit jusqu'à al-tulu' al-fajr al-sadiq, ay al-adhan al-thani, s'il est fait à l'heure. S'il n'est pas fait à l'heure, tu as le droit de manger. Aham shay, tu ne dépasses pas al-waqt. Qala, walaw istayqadha al-insan, on revient à la parole au livre de Cheikh al-Fawzan, walaw istayqadha al-insan wa alayhi janabatun aw tahurat al-ha'idh qabla tulu' al-fajr. فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. Si واحد il se lève et il est en état de janaba, مثلا, et il reste un quart d'heure, 20 minutes pour l'adhan. أو المرأة تطهر, elle est plus en état de حيض, donc elle doit faire le ghusl كذلك. ففي هذا الحال, Cheikh Al-Fawzan قال, mange السحور, لأن il te reste que 20 minutes. Si tu fais le ghusl, probablement l'heure elle va arriver et tu ne pourras pas manger. Enfin, mange et même s'il a fait l'adhan, et s'il a fait l'adhan, on parle à l'heure, enfin, waqt al-siyam, il a commencé, tu n'as plus le droit de manger, tu n'as plus le droit de boire, il a akhir, et même si tu es en état de jeûne, ça ne fait pas de mal. Tu as la niya de faire le siyam, même si elle n'a pas fait le ghusl min al-hayd, wa-dalil. Ils l'ont récité كذلك les frères, hadith Aïcha wa Umm Salama radiyallahu anhun, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yusbih junuban wa huwa sa'im. Yusbih, ça montre que as-subh il est passé et la journée elle a commencé, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était junub et il faisait Ramadan. Hada, ça veut pas dire qu'on fait pas salat al-fajr à l'heure là, li anna ya du temps, probablement un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure entre al-adhan et la salat. الخلاصة شيخ الفوزان قال رحمة الله عليه أنه prend السحور ثم dès qu'il fait l'adhan, si c'est à l'heure tu arrêtes, ثم tu fais le ghusl, ou le ghusl ça prend pas beaucoup de temps, 5 minutes c'est fini, ou 10 minutes أكثر, ثم tu vas au masjid, si c'est un homme il va au masjid, et si c'est une femme elle fait الصلاة. قال وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. هذه سين فتنة سين معصية منتشرة, أن وعد الناس خاصة في رمضان سين زال مصيبة أنهم يسهرون أي veillent tard la nuit. Et المصيبة c'est que c'est pas, ils veillent pas pour lire le Coran ou الصلاة ou العلم, لا, كثير منهم c'est de معاصي للأسف. ثم ils mangent peut-être à minuit, à une heure, à deux heures, et ils dorment et ils font pas salat. Bardohum Rabbama, ils se lèvent à 9h, 10h, 11h. Hadi c'est une musiba. Alors qu'on est fi Ramadan. Même fi Ramadan, c'est haram. Ma balouk fi shahr Ramadan al-Mubarak. Et Cheikh Fawzan, il a démontré plusieurs méfaits. Awlan, li'annahum samu qabla waqt al-siyam. Lakin, s'ils ont mis la niya qu'ils allaient faire al-siyam, on a dit que c'est pas obligé de repousser al-sahur. ثانيا يتركون صلاة الفجر مع الجماعة si c'est des hommes, فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة بل بعضهم يدل الصلاة complètement. Ça serait que صلاة الجماعة, c'est grave, لكن أكثر من ذلك قال ثالثا ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس وهذا أشد جرما وأعظم إثما. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل فويل pourtant ils font salat لكن c'est pas à l'heure. الذين هم عن صلاتهم ساهون ما بالك celui qui fait الصيام et fait pas salat لأن هؤلاء الآن يفون الصلاة لكن يفيت على النمي يفون بالفجر على الأغر. شيخ الفوزان حفظه الله استدل بقوله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكذير واحد في الصيام يسعريب عريب بعض المسلمين يفون الصيام يفون بالصلاة alors que رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Et Allah subhanahu wa ta'ala قال فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ C'est des musallouns, ils font salat. وَلَهُمُ الْوَيْلِ Pourquoi? لِأَنَّهُمْ Ils ne sont pas sérieux dans les horaires et dans la façon de faire. Pourtant ils la font. Enfin, que dire celui qui ne la fait pas? أَصْلًا C'est pour ça que بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر رضي الله عنه كان يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. Celui qui délaisse la salat, il n'a aucune part في الإسلام. النصيحة لهؤلاء سكيف الصيام يفون الصلاة لأن ينو بروبليم بعض الناس quand ils entendent هذا ils disent donc je fais pas الصيام et taqou Allah c'est pas ça la solution fais الصيام et rajoute الصلاة et tu seras à la khaira. Mais الشيطان il écarte بعض الناس quand ils entendent هذا ils disent mon الصيام il est pas صحيح je délaisse ça sert à rien. Là fais la الصلاة fais الصيام et ولله الحمد personne dit que الصيام il est pas accepté في هذا الحال. قال ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله. لا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل مسألة النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية شك عبادة يفون نية intention. فالصائم il doit avoir l'intention de jeûner bien sûr avant le fajr. مثلا si c'est demain الصيام نحن في رمضان par exemple et demain ce صيام فلا شك on a l'intention de faire الصيام le lendemain. بقي une mas'ala est-ce que il faut chaque nuit avoir une niya ou la niya au début du mois de رمضان تكفي. العلماء يذكرون هذه المسألة واختلفوا فيها والصحيح أنه ça suffit une niya أي au début de رمضان. هناك كلام للشيخ العثيمين مفيد في هذا. قال رحمة الله عليه في الشرح الممتع وبناء على ذلك لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومه ذلك اليوم. أي على القول de ceux qui disent qu'il faut chaque nuit mettre un niya. أولا pour bien comprendre et on finit avec cette مسألة لأن ذهب الوقت العلماء اختلفوا. Pour bien comprendre cette mas'ala, cet exemple que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité, il est taillé. Si on dit qu'il faut mettre la niya au départ, مثلاً, aujourd'hui, Al-Khamis, demain, Jumu'a, c'est Ramadan. Ça commence. Lâche que cette nuit, Inch'Allah, on aura tous l'intention, demain, de commencer Ramadan. Ba'd al-ulama, il dit, cette niya, elle suffit pour tout le mois. D'autres savants, ils disent, chaque nuit, tu dois avoir cette niya. Al-Muhim, avant le Fajr. Ça peut être après l'Isha, ça peut être avant Sahour, après Sahour. Là, chaque si tu prends Sahour, c'est que tu as l'intention de faire Siyam. Vous avez compris ces deux cas. La haqiqa, il n'y a pas une grosse faïda min hadha al-khilaf. Pourquoi? L'anna, celui qui se lève pour Sahour, c'est qu'il a le niya. Si tu te lèves pour manger, si tu te lèves, l'anna tu manges, l'anna tu vas faire Siyam. Al-Siyam, al-Niya, c'est dans le cœur. C'est pour ça qu'on fait attention à l'ouswas min hadha al-bab. Bard al-Nas, ils ont des wasawis. Est-ce que j'ai mis niya amla? Là. L'être humain normal, quand on est fait Ramadan, le musulman, enfin, il a la niya de jeûner. C'est pour ça qu'il se lève pour sahur, c'est pour ça qu'il se prépare. Obama, il achète des choses pour manger. Tout ça, c'est min al-niya. Lakin, une mas'ala, pour te montrer que ça peut être utile de comprendre hadha al-khilaf, anna rajulan si il dort min al-asr jusqu'à après le fajr. Certaines mas'ala, l'ulama, il les cite fil fiqh, obama, ça n'arrive pas. Lakin, c'est pour te faire pour te donner une image pour comprendre. Ça peut arriver où un mathalan il perd connaissance. En général, il sera malade, mais c'est pour vous montrer. Mathalan min al-asr jusqu'à après le fajr. Ceux qui disent qu'il faut nier à chaque nuit, pour eux, s'ils se réveillent après le fajr, son siyam, il ne sera pas sahih. Il faudra qu'il rattrape. Les annal a'mal bin niyat. Ceux qui disent qu'une niya takfi fi bidayat al-shahr, s'ils se réveillent après le fajr, même si toute la nuit il a dormi, il fait siyam. Les madal, il avait la niya au début du mois. C'est cette masala pour vous montrer la différence. Wa sahih annahu takfi niyatun wahida au début du mois. Sauf s'il y a une interruption, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Qala rahmatullah alayhi. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما يشترط فيها التتابع فتكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر إسس الصحيح كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية قال شيخ ابن عثيمين وهذا هو الأصح صف si tu voyages مثلا لأن si tu voyages il y a une coupure واحد après une semaine de صيام رمضان il voyage pendant une semaine. Donc il a manqué une semaine. Enfin, quand il revient, ça sera le début de la troisième semaine, bien sûr, il a l'intention. Et l'intention, répète, c'est dans le cœur. Il va préparer sa hour, il a agaré, il fallait chaque année, il est naoui, il a niya de faire as-siyam. قال شيخ ابن عثيمين وهذا هو الأصح لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا ناوي الصوم من أول شهر إلى آخره. صحيح. N'importe quel musulman, si tu lui demandes, enfin, dans son cœur, il a l'intention de jeûner tout le mois, sauf bien sûr, s'il y a une interruption, il tombe malade, il voyage, il a akhrif. Si tu tombes malade quelques jours, ou safar quelques jours, là, chaque fois, il faut remettre la niya, et on répète la niya, c'est dans le cœur, ça viendra, mais idnillah azza wa jal, tout seul. L'insan, il sait maintenant qu'il est plus malade, il sait que le lendemain, il va jeûner, enfin, il va se préparer pour sahur, il a akhrif, inshallah, c'est ça, an niya. Naktafi, bihad al-qadr. Et le prochain dars, s'il manque des choses, on récapitulera. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Fal khulasa, an as-sahur c'est une sunnah. Celui qui a une bonne niya, il est récompensé. On a cité les fawa'id. Al-afdal, c'est de le repousser avant le fajr. Et bien sûr, nasina ma yutanawal bihi as-sahur, on verra la prochaine fois. Dakarahuna. ولو بجرعة ماء نعم ولا سيدي ولو بوخ ولو واحد لأن صعيب هذا إنسان تنبيه مهم أن بعض الإخوة ربما il arrive pas à manger le matin avant le fajr خاصة après avoir dormi وبعضهم ils ont pas d'envie ففي هذا الحال كما قال الشيخ فوزان بل جاء حديث في هذا فيه ضعف لكن كثير من العلماء اللي سيت ولو بجرعة ماء ولو tu te lèves et tu bois de l'eau. Celui qui se lève, il boit ce verre d'eau et ça nie à son intention, c'est sahur. Et c'est pour suivre le Prophète sallam et c'est pour profiter de cette baraka. Walou avec ce verre d'eau, inshallah, il a toutes les récompenses et toutes les fawa'id que l'imam Ibn al-Mulaqqin rahmatullah alayhi il a cité. Fala tuhrim nafsak, ne te prive pas de hada, c'est un amal sahl wal ajr il est azim. Amma celui qui a envie de manger la khalif, c'est afdal. Comme a bayyana Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Manger, boire, c'est afdal. Et celui qui ça arrive, hada, le matin, il a du mal à manger, ou il n'a pas faim, fa walaw ka'sun min ma, fa inshallah fihi baraka. Walhamdulillah.